Camille. Salut, salut Charline. Joyeux anniversaire. Non, mais c'est pas mon anniversaire là. Joyeux anniversaire. Mais non. Il y a une erreur sur Wikipédia. Mais non. Oh là là, mais non. François Hollande. Oh, ok, d'accord. Okay. Non, Alex, on a dit que tu arrêtais de chanter, ouais. Alex. S'il te plaît, ça sera mieux. Oui, c'est mieux. Bon, alors attendez, bon sujet. Hein, donc, les 3 ans de Hollande. Je chanterai pas si c'est comme ça, même pas à l'antenne. C'est mieux si tu chantes pas. Ouais. Nicole, bon, pourquoi t'es là si tôt, toi, en fait Parce que je coince sur mon sujet. Là, du coup, je potasse les journaux scientifiques, mais je ne trouve rien. Parce que là, sinon, t'es pas sorti. Mais si. Regarde, ici, une étude prouve que les limaces peuvent vivre en autarcie dans un bocal en orbite autour de la Terre pendant 20 jours. Et tu trouves ça intéressant? Non, pas du tout. Quel est l'idiot qui fait des tournées des limaces aussi? Moi, j'ai vraiment quelque chose d'intéressant. Apparemment, la pratique du cunilingus aiderait à développer les qualités en calcul mental des hommes. Intéressant. Non, c'est trop vulgaire. C'est pas mon genre. Alex, 72 plus 39. Mais c'est des conneries. Attends, j'ai un truc, moi. Physique. En divisant un atome de pétrole par les 5 premières décimales du chiffre pi et en y greffant du bromure de potassium. Mais tu comprends ce que tu dis, là, Guillaume? Non, attends, c'est pas moi le spécialiste aussi. Vous savez quoi? Merci bien, les gars. Laissez Nicole tranquille. Elle va s'isoler, elle va trouver. Oui, c'est ça. Je vais aller déjeuner en paix et je vais trouver. Non, mais nous, c'était pour aider. On disait ça. Et puis le résultat, elle veut déjeuner en paix. Alex, maintenant, ça suffit. Non, Charline, pose ça. Arrête. Charline. Oui. 72 plus 39, ça fait 111. Oh, Guillaume. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui met la main aux fesses de l'actualité. Et voici les 3 informations auxquelles on va donner une bonne gifle avant 18h. C'est le 3e anniversaire de l'arrivée de François Hollande à l'Élysée. Allez, plus que 2. Monsieur, vous êtes dans une mauvaise passe. Mais le bout du tunnel n'est peut-être pas ça. Pour toutes les informations concernant les dirigeants de l'audiovisuel public, il y a le canard enchaîné. Il évoque le dossier de candidature de la nouvelle patronne de France Télé, un dossier intitulé « Audace 2020 ». Et voilà, c'est comme ça qu'on récompense l'audace en France. Ça a pleuré, non ? Pas pleurer, c'est le terme. Le CV à l'épreuve du fact-checking, le curriculum vitae passé au scanner pour détecter le mensonge. Patience, ça arrive, un réseau social a déposé un brevet pour vérifier les CV. Qu'est-ce que tu sais faire, toi ? Ben, j'ai dit, moi, monsieur, je sais rien faire, je sors de l'école. Et mais pourquoi ? On vous apprend rien à l'école ? J'ai dit non, si vous aviez été, vous le sauriez. Et pour mettre la main aux fesses de l'info, vous pouvez compter au hasard, Alex Vizorek. C'est avec le plus grand plaisir, Charline Vanhoenacker. Heureusement que vous ne tirez qu'avec des balles à blanc. Et autour de la table, une grosse équipe. Vous connaissez mon intimité. À 17h20, elle a enfin trouvé son sujet. Enfin, je crois. Mais avec elle, peu importe le sujet, l'important étant le vent qu'elle brasse pendant sa démonstration, c'est son côté Cécile Duflo. Bonjour, Nicole Ferroni. Bonjour Monsieur Vizorek, aujourd'hui nous parlerons de champignons, voilà. Très bien, on prend, on a perdu notre présentatrice. Sur sa propre blague. À 17h30, Marianne James l'avait rebaptisé Silver Fox hier, renard argenté, en rapport avec son physique, alors que s'il fallait parler de son talent, on dirait plutôt Golden Fouin, puisque c'est pour aller dénicher la bêtise qu'il est médaille d'or. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline, bienvenue parmi nous. Ah Guillaume. Je vous en prie, si vous voulez parler encore de calcul mental, je suis à votre disposition. Mais en attendant, je me suis intéressé aujourd'hui au sexisme en politique. Suite à la tribune dans le journal Libération de 40 femmes journalistes hier, je suis allé à la rencontre des députés, par exemple Bruno Le Maire. Est-ce que vous avez un conseil pour moi pour draguer une femme politique? Voilà, vous allez m'accuser de sexisme, donc je ne répondrai pas à votre question. Ah, il est prudent, mais ça n'a pas toujours été le cas, vous allez voir tout à l'heure. Et enfin, à 17h40, celle qui rehausse l'émission de sa culture. Quand elle touche le médiocre, elle le rend étincelant, elle transforme l'eau de la bêtise en vin de la culture, sorte de Christ littéraire, sauf que c'est moi qui suis cloué par Clara Dupont-Moneau. Ça vous va? Bonjour Clara. Oh, bonjour Alex. Franchement, ça vaut un smack, ça, quand même. Depuis le temps. La langue. Allons-y. Alors, nous allons parler du livre de notre invité qui se passe à l'Élysée et qui a duré un an. Allez, chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence qu'on appelle un référent de la République. Vous êtes né sous Giscard, vous devenez objecteur de conscience au Centre National de la Bande Dessinée en 96. C'est l'année où Jacques Chirac supprime le service militaire. Vous vous lancez dans le reportage dessiné sur le tournage du film de Johannes Fahr, Gainsbourg, une vie héroïque. C'était en 2010, une année difficile pour la culture, puisque Christophe Maé devenait le plus gros vendeur de disques. Vous publiez campagne présidentielle, puisque vous avez suivi le candidat Hollande en 2012, l'année où Nicolas Sarkozy prenait sa retraite, enfin sa première retraite. Et donc vous êtes, je vous laisse nous l'annoncer. Mathieu Sapin. Oui, bienvenue, c'est vous. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Les cuisines du château au sens propre. Le château, une année dans les coulisses de l'Élysée, publié chez Dargaud. C'est un reportage dessiné, on peut appeler ça oui, comme ça. Un documentaire. Oui, c'est même un document, tout à fait. Alors, beaucoup de personnages ont disparu depuis. Oui, je mets la liste au début. Et votre conclusion, c'est que le lieu, l'Élysée, terrasse de toute façon, il vient à bout de tous ses locataires. C'est un peu aussi le sens de... C'est l'Élysée, la star, le personnage. C'est pour ça que ça s'appelle le château. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'il y a une personne qui est là depuis les années Pompidou. Sinon, les carrières sont plus brèves. C'est un lieu qui éreinte beaucoup. Vous le décrivez comme un lieu autonome. Oui. Coupé du monde. Mais... Et d'ailleurs, les acteurs eux-mêmes en parlent comme ça, en disant on a une salle de sport, on a une salle de cinéma, on peut vivre coupé du monde. Est-ce que c'est pas un peu gênant pour un lieu qui est censé être connecté au monde, puisque c'est censé incarner la France, où on y prend les décisions qui concernent un tout petit peu la France quand même? Oui, ça pose question. Mais déjà, l'architecture du lieu est effectivement tournée vers elle-même, vers cette cour qu'on voit, où donc toutes les fenêtres donnent sur la cour, mais sur l'extérieur, sur la rue, c'est plutôt des murailles. Et c'est vrai que c'est le danger et ça rend, à mon avis, plus difficile la connexion avec les vrais gens. Ouais. Et dites donc, là, on a tous les plans de l'Élysée dans la BD, hein, la topographie, les cuisines, là, c'est la transparence. Hein. Et justement, c'est un petit peu le but aussi, j'imagine. Il y a une fascination pour les coulisses de l'Élysée. Il y a beaucoup de livres, de reportages, etc. Et la bande dessinée est un moyen fantastique pour répondre à cette soif de curiosité. Vous avez passé beaucoup de temps. Il y a des dessins très précis des lieux, etc. C'est vous qui êtes le plus, l'insider. Ouais, embedded. Dans le lit. Enfin, je ne suis pas allé dans le lit, jusque dans le lit quand même. C'est vrai que là, moi, j'avais ce luxe d'avoir beaucoup de temps, puisque je n'avais pas de limite. Enfin, le président, quand il m'a donné son feu vert au début, me parle de 6 mois, et puis je suis resté 1 an et demi, en vérité. Et comme on m'a le jamais squatteur dit... de l'Élysée. Au bout d'un moment, quand même, il m'a dit, mais vous êtes encore là, vous avez bientôt fini votre BD. Mais quelqu'un vous a même dit, vous travaillez où, vous d'ailleurs? Oui. On pensait à un employé de l'Élysée. Oui, parce que comme les équipes tournent, au bout d'un moment, moi, j'étais finalement un des plus anciens. Et donc, il y a des gens qui me croisent et qui pensent que je travaille là. Ouais. Votre copain, Charline, Gérald Darmanin, a dit que si lui était élu président, il quitterait l'Élysée pour le château de Vincennes, parce que De Gaulle pensait que c'était un meilleur endroit pour le président de la République. C'est plus discret. J'ai entendu ça. Est-ce que ça vous inquiète, ou est-ce que vous vous dites, en 2022, je suis Darmanin, moi? Je suivrais volontiers Darmanin pour voir le changement aussi d'équipe, mais pas à Vincennes, plus à la Tour Montparnasse. Moi, je me disais que c'était pas mal. C'était une bonne idée. C'est central. Au dernier étage. Ouais. Et alors, ce qui est assez amusant aussi, c'est que vous y allez évidemment au départ avec le costume, et vous achetez des mocassins au supermarché. Oui. Vous dites, comment un type qui achète ses mocassins au supermarché se retrouve dans le bureau du président? C'est pas une phrase d'Aquilino Morel, ça? Non, parce que les pages ont été faites avant, effectivement. Il y a cet épisode d'ailleurs. Donc c'est Le Château, une année dans les coulisses de l'Élysée, paru chez Dargaud. On va avoir l'occasion d'en reparler avec Clara Dupont-Mono. Et puis vous avez vraiment assisté, on peut dire, à tous les grands épisodes. Valérie Trierweiler, Aquilino Morel et Charlie et les attentats qui sont tout à la fin du bouquin, on vous le conseille. Et allez voir aussi les premières pages de cette bande dessinée sur notre site internet franceinter.fr. Nous sommes avec Mathieu Sapin jusqu'à 18h. J'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. Et dans ma tête qui bourdonne les abeilles, j'entends rugir le plaisir de la vie. C'est le retour des amours qui nous chauffent les oreilles. Il fait si chaud qu'il nous pousse des envies. C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail. Les filles sont belles. Et Dieu sont ravis. Le métro c'est tout devient purulent dans ses souliers. Le passager abruti a dit quoi t'es qui s'exprime violemment. Il y a plus de mille, les voisins sont partis. L'été Paris c'est plutôt relaxant. On rêve de plage et la Seine est jolie. Le soleil m'a pas ourdi. Riez sous les bras, j'avance dans la rue. J'pense à ces cons qui seront chiés dans le midi. Tous ces torches qui vont cuire dans leur jus. Tous ces noyés, le mer, quelle saloperie. Et sur les routes, le danger, ça vous tue. Vivement l'automne, je me sens tout aiguille. L'été, les négresses vertes, vous êtes sur France Inter. Nous sommes en compagnie du dessinateur Mathieu Sapin et avec Alex Vizorek autour de cette table. Bien, nous avons deux charmantes demoiselles en la personne de Nicole Ferroni et Clara Dupont-Mono et notre trublion, monsieur Guillaume Meurice. Oui, tout à fait. Très bien. Il est 17h20 sur France Inter et à Tulle. Et c'est le moment de la revue de presse à deux voix, deux, comme sur les pédalos. Charline Vanhoenacker. Non mais je vous en veux pas, mais... Alex Vizorek. Franchement, Bruxelles. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. L'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. Et on commence par le nouveau nom de l'UMP qui ne passe toujours pas dans l'opposition. Deux anciens ministres socialistes comptent attaquer les Républicains en justice. Bah, les socialistes n'ont qu'à s'appeler les justiciers et c'est réglé. Mais c'est pas bête. Non, mais ce qui est pas bien, si vous voulez, c'est de prendre un mot qui correspond, si vous voulez, à quelque chose qui correspond à toute la classe politique. Vous voyez, c'est... Ah ouais, comme par exemple les arnaqueurs. Ah ouais, c'est ça. Bah, ça c'est bien. Par exemple, ça, la gauche aurait probablement pas attaqué en justice. C'est vrai, c'est vrai. Alors on reste à l'UMP. Oui, l'ancien porte-parole de Nicolas Sarkozy, Franck Louvrier, est actuellement conseiller municipal à La Baule. Dans l'hypothèse des Jeux Olympiques à Paris en 2024, il milite pour que les épreuves de voile se déroulent à La Baule. Et ce sera une première, car on aura rarement vu autant de voile dans une ville UMP. Passons à l'économie. L'ex-PDG de PSA avait prétendu, on laisse un peu le temps à nos camarades de comprendre les vannes, hein, ça c'est important, obligé, il y a un rythme. Je précise, je suis obligé de mimer à Clara Dupont-Mono la blague quand même. On en est là. On ne comprend pas les blagues au pas de Dupont-Mono. Si vous voulez, évidemment, on est sur franceinter.fr pour voir tout ça. L'ex-PDG du PSA avait prétendu qu'il renoncerait à sa retraite de 299 000 euros. Mais on apprend aujourd'hui que Philippe Varin touchera bien cette retraite chapeau. C'est son petit côté, Geneviève de Fontenay. Passons à une info du Canard. Faites le geste, oui. Je suis obligé de tout mimer, ça. Retraite chapeau, chapeau, jeu de mots. Ah, c'est info du Canard enchaîné. Oui, on a trouvé une nouvelle affaire concernant le président de Radio France, Mathieu Gallet. Une affaire qui date de son passage à l'INA concernant des irrégularités dans les marchés passés avec des cabinets de conseil. Mais pourquoi Alina, on a besoin d'autant de conseils? Bah, pour bien classer les archives. Ça, et vous savez ce qu'on dit à Alina, hein, les conseillers ne sont pas les payeurs. Ah non, Alina, on dit les contribuables sont bien les payeurs. Voilà, c'était nécessaire de la faire cette vanne, hein. Ça nous assure la saison 2, évidemment, dans cette maison. Hein, on salue tout le monde. Ça, c'était avant, hein, Alina, c'était avant. Et on termine par l'affaire de la semaine, la bisbrouille dans la famille Le Pen. Alors, on a beaucoup entendu parler Jean-Marie, mais très peu Marine, malheureusement. Alors, je me suis dit, il nous reste vraiment une bonne chance, c'est BFM TV. Ça va essayer. Vous n'avez pas envie de répondre frontalement à votre père. Je répète ma question, Marine Le Pen. Il est très dur envers vous en ce moment. J'ai pas envie de répondre à BFM surtout. Ou que je considère comme ordurière. Quelle raison ? Ordurière. Car elle manque en même temps de. On pose juste les questions, Marine Le Pen. Non, mais je vais vous le dire, récemment, on appelle BFM System maintenant. Et pour revenir à votre père, vous n'avez pas envie de répondre ? Interviewer Jeannie. Paf. Alors là, je vais vous dire qu'en entendant ça, Jean-Jacques Bourdin a les larmes aux yeux. Et on... c'est de ta faute tout ça. Mais oui, c'est de ta faute. C'est comme si Mimi Mathy, elle voulait plus répondre à Télépoche. On est là-dedans. On reparlera de l'affaire Le Pen tout à l'heure dans un nouvel épisode du Front de l'Amour en fin d'émission. Eh oui, parce que nous sommes ensemble jusqu'à 18h et on taille l'actualité comme des crayons avec Mathieu Sapin, auteur du Château, et Clara Dupont-Mono essaye de comprendre les blagues. Ouais, vous avez le jusqu'à 18h, Clara. Allez, avec Mathieu Sapin, aujourd'hui, nous fêtons un anniversaire. Il y a maintenant 3 ans, moins quelques jours, qu'arriva ce que je vais vous raconter. Un jour que les gens de ce pays n'oublieront jamais. Car ce fut un jour où souffla la plus horrible tempête qui soit jamais tombée de la calotte des cieux. Une descente dans le Maelstrom, c'est une nouvelle d'Edgar Allan Poe qui va très bien pour fêter le 3e anniversaire de François Hollande. Ouais. Et oui, parce que qu'est-ce qui va rester de son, pour l'instant, de ses 3 années, à part une cravate de travers et de la pluie. Et une bonne pluie. Alors, Mathieu Sapin, vous êtes rentré, évidemment, vous avez passé beaucoup de temps dans le château, à l'Élysée. Mmh. On ouvre beaucoup les portes de l'Élysée et François Hollande vous a dit que, voilà, c'était finalement, ça fait partie du patrimoine, qu'il veut de la transparence, qu'il veut qu'il n'y ait pas de secret. Et comme dit Le Monde dans son édition datée d'aujourd'hui, c'est l'opération Portes ouvertes tous les jours. Et oui, mais moi je suis dégoûté parce que je m'y suis pris il y a 2 ans et j'avais l'impression d'avoir une exclue. Et effectivement, j'ai été rattrapé. Là, il y a plein de docu qui sortent. Et il y a des, cela dit, pas aussi précis que ce mais que voilà, vous pouvez beaucoup faire. Beaucoup moins précis, beaucoup moins fouillé. Qu'est-ce que permet justement alors la bande dessinée par rapport aux caméras qui entrent Ben, c'est-à-dire que moi, quand on me croise comme ça, j'ai les mains dans les poches et donc les gens font pas spécialement attention à moi. J'y suis allé beaucoup pour me faire même oublier. Ça, on en connaît d'autres. Hein. et donc, au bout d'un moment, le naturel revient. Et donc, j'essaye de faire un portrait des gens que je croise pour que ce soit le plus juste à mes yeux. Ouais. Alors, ce qui est chouette avec les présidents, c'est qu'on a plein de trucs à fêter, Mathieu Sapin. Il y a le bilan des 100 jours, le bilan du 1 an, le bilan des 2 ans, le bilan de la mi-mandat. Bref, c'est le bilan quotidien. Est-ce qu'on sent ça dans les couloirs de l'Élysée, cette histoire de tout le temps être dans l'observation? J'ai l'impression que c'est surtout qu'on n'a jamais le temps de regarder en arrière. C'est-à-dire que c'est au contraire toujours essayer de rattraper l'actualité, de rattraper. Il y a une telle profusion, une telle tension permanente que c'est très difficile d'aborder les choses avec du recul. Et je ne sais pas comment ils font d'ailleurs. Oui. Alors, il y a évidemment tous les personnages qui gravitent autour de François Hollande qui sont dans votre bande dessinée Le Château. Et alors, quelque chose nous avait frappé dans cette émission quand on avait vu cette une de l'Obs et ces photos de la jeune cour des jeunes conseillers de François Hollande, habillés comme la famille Le Quesnoy dans La vie est un long fleuve tranquille, et qui donne une image terriblement monarchique et bourgeoise, voire conservatrice dans l'apparence. Bien sûr, ce n'est que l'apparence. Oui. Hein, mais ça avait quand même frappé. Est-ce que vous les avez évidemment croisés, fréquentés, alors sans vous mettre en porte-à-faux, parce que c'est embêtant pour la saison de votre... Est-ce qu'en vrai, c'est des punks à chiens, ils boivent de la 8-6, ils font des trucs comme ça? C'est la question. Non, ce qui est drôle dans cette photo, c'est qu'elle est très orchestrée, on dirait une jaquette de série. Mm-hmm. Et je m'étonne d'ailleurs qu'ils aient joué cette carte-là. Les gens que j'ai croisés, il y en a qui sont normaux, cool, il y en a qui effectivement sont plus guindés, plus... Mais c'est vrai qu'on n'est pas dans l'ambiance street basket. Là. Enfin, dans votre bande dessinée, on voit combien il y a de personnes qui sont dévouées à la communication. Il y a le chef du service de presse, le chef du service de communication, le directeur adjoint de la communication. Il y a un organigramme hallucinant. Et pourtant, la communication de François Hollande, globalement, c'est quand même pas tellement ça. Depuis, tout ça pour foutre une chapka. Une chapka, la pluie, les conseillers que Charline évoquait. Enfin, il y a quand même... Vous avez vu plein d'épisodes absolument fous, c'est vrai. Oui, ce qui est étonnant, c'est que François Hollande, lui, a l'air de dire que la communication, c'est surtout son action politique. C'est ça qui parle pour lui. Et que... C'est un éternel optimiste, c'est comme ça. Hein. C'est comme Nicole Ferroni, elle dégage un optimisme. C'est son heure à 17h27 à Tulle et sur France Inter. C'est à vous. Oui, non, pardon, juste, je voulais revenir quand même que sur le bilan là, de François Hollande, parce que je vous ai senti un petit peu moqueur, sous-entendu, est-ce que c'est pas un peu pourri comme bilan? Est-ce que c'est pas un constat qui est un peu moisi? Peut-être, mais je pense que l'actualité scientifique de cette semaine nous prouve que c'est quand même parfois dans les choses pourries, les choses moisies, c'est-à-dire les les moisissures et plus globalement les champignons qu'on peut trouver les meilleures solutions d'un problème, comme en témoigne cet article publié donc cette semaine dans le Figaro, puisque cet article voilà, nous apprend qu'un scientifique aurait réussi à isoler et mettre au point des champignons tueurs d'insectes capables de remplacer à terme des insecticides industriels polluants utilisés actuellement. Alors bien sûr, tout de suite, les producteurs de pesticides ont protesté, mais c'est n'importe quoi cette histoire, c'est une histoire de mythomane, alors que non, le protagoniste n'est pas mythomane, mais mycomane. C'est un spécialiste en mycologie, autrement dit en science des champignons, donc il sait ce qu'il dit. Il s'appelle Paul Stamets, il est américain, et dans le cadre d'un brevet qu'il a déposé en 2006, il a réussi à transformer des champignons de type métarhizium en bombe à retardement contre les insectes nuisibles. Donc je vous explique ce qu'il a fait. En temps normal, ces champignons métarhizium sont néfastes pour certaines espèces d'insectes nuisibles. Quand un insecte est en contact avec ce champignon, elle peut être contaminée par un spore de ce champignon, spore qui en germant donne un nouveau champignon qui envahit le corps de l'insecte et le tue. Sauf que le problème, c'est que ces insectes ont appris progressivement à résister, tout simplement parce qu'ils ont appris dès lors qu'ils en ont croisé un, à éviter le spore, exactement comme nous avec une salle de fitness. Dès qu'on en croise une, on pense vite à éviter le spore. Et donc la trouvaille de ce monsieur Stamets, ça a été donc parce qu'il voulait chercher à éliminer des termites. Eh bien, ça a été de concevoir une forme non sporulante de ce champignon métarhizium, dont les termites ne se sont plus méfiés puisqu'il n'y avait plus de spores, de faire en sorte que malgré tout elles s'en nourrissent, et une fois le champignon ingéré, il s'est développé en elles et il en est arrivé à bout. D'où l'expression chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon. Car on voit que le fait d'appuyer, ou en tout cas de miser sur le champignon, ça permet de prendre de la vitesse, mais surtout de prendre de vitesse les producteurs de pesticides pour qui les pesticides sont une manne financière, et de devenir champion à leur place, notamment Monsanto et son célèbre Roundup, pesticide le plus vendu au monde, qui leur apporte chaque année 1,2 milliard de dollars. Alors qu'en fait, en vérité, le Roundup n'est pas si up, déjà pour notre santé, parce que depuis le 20 mars dernier, l'OMS vient de classer cet insecticide dans la catégorie cancérigène, depuis que le cirque, pas Zavatta ni Bouglione, mais le cirque Centre International de Recherche contre le Cancer, a relié l'utilisation de cet insecticide à un risque accru de lymphome. Et il n'est pas up non plus pour l'environnement, d'où le fait que d'ailleurs Monsanto ait perdu en 2007 ce round du Roundup devant la justice, puisqu'il a été accusé de publicité mensongère du fait que le pesticide présentait sur son paquet cette phrase « Roundup respecte l'environnement ». Alors depuis, Monsanto est dans l'obligation maintenant d'apposer un petit lol juste après cette phrase, ou gag, ou petit smiley clin d'œil pour vraiment mettre en exergue le second degré de cette phrase. Et c'est d'ailleurs l'un des problèmes majeurs chez Monsanto, l'entreprise qui produit ce pesticide, c'est que les gens ne comprennent pas leur humour, alors que c'était quand même très rigolo lorsqu'ils avaient sorti l'autre insecticide qui s'appelait Lasso et qui allait justement à l'assaut du système nerveux des agriculteurs qui l'utilisaient. Mais sous prétexte que ça provoquait des problèmes neurologiques, donc cet insecticide Lasso a été retiré du marché en 2007 et maintenant, sous prétexte que le Roundup est cancérigène, on veut le remplacer par des champignons. Et moi, cette persécution vis-à-vis de Monsanto, ça me met mal à l'aise. Donc heureusement que monsieur Juncker, président de la Commission européenne, vient d'autoriser depuis le 24 avril 2015 la vente et utilisation non pas de 1 ni de 2 ni de 3 mais de 19 OGM dont 11 appartiennent à Monsanto. Alors, j'ai pas trouvé pour information combien ça coûtait d'acheter un président de Commission européenne, mais apparemment c'est un bon investissement. Donc trinquons à cette victoire de Monsanto, car bientôt celle qui va trinquer, c'est pas Monsanto, c'est ma santé. Merci Nicole Ferroni. Nous sommes en compagnie de Mathieu Sapin. Vous êtes sur France Inter dans Si tu écoutes, j'annule tout. Et on va parler de sexisme avec Guillaume Meurice, juste après un petit détour par Montréal avec Patrick Watson, Places You Will Go. You could have swim to the top of the waterfalls, into the waves of the sugar love. She's gonna drive you to the shore. I just don't know who you are, but you wanna take your time. You're gonna take your time. Walking through the city with too many roads, you're not gonna know where to go. Scroll all the pretty lights. Thank you. Watson sur France Inter, la playlist France Inter. Nous sommes en compagnie de Mathieu Sapin qui publie Le Château, une année dans les coulisses de l'Élysée chez Dargo. Et je sais que les coulisses de l'Élysée, ça nous intéresse dans cette émission. Oh, on adore ça, c'est notre passion. Et nous avons une autre passion, Mathieu Sapin, c'est... alors vous faites du reportage en bande dessinée et lui fait du reportage humoristique. Il s'appelle Guillaume Meurice. Et vous n'avez pas encore reçu de coup. Il est beau, comme dirait Nicole Ferroni. Oh, ça c'est vraiment gentil. Oh, c'est bien pour commencer une chronique, je vous laisse aller direct. On va en parler, aujourd'hui. Je vais vous parler sexe, violence et politique. J'aime bien dire ça comme ça, ça fait un peu Bernard de la Villardière. Je trouve que c'est hyper classe. Sauf que moi, je suis pas allé à Bangkok, j'étais à l'Assemblée nationale, figurez-vous. Car dans le journal Libération d'hier, 40 femmes journalistes politiques dénonçaient les remarques sexistes dont elles étaient victimes de la part d'hommes politiques. Je me suis donc rendu ce matin salle des quatre colonnes. La colonne, hein, symbole phallique par excellence. Enfin bon, là je pense qu'il n'y a pas vraiment de rapport, parce que vu la moyenne d'âge des hommes politiques, on parlerait davantage de salle des quatre chamallows à ce moment-là. Puisqu'on parle de trucs tout mous, commençons avec le PS et Patrick Mennucci, député des Bouches-du-Rhône. Je crois qu'il faut faire tous les efforts pour que l'égalité entre les hommes et les femmes soit avérée, y compris dans l'enceinte politique. Vous n'avez jamais dragué une femme journaliste politique ? Écoutez, je n'en sais rien du tout, je suis assez fidèle à mon épouse et c'est pour ça. Je suis maintenant un homme qui a un certain passé derrière lui, donc c'est difficile de se rappeler de tout, surtout quand on était jeune. Non, vous avez encore du charme. Si c'est vous qui le dites, ça m'intéresse pas beaucoup. Bon, bah c'est loupé, j'ai pas réussi à pécho Patoche. Alors on sait pas trop, il y a quand même un doute. Bon, le concept de assez fidèle. Assez fidèle, il y a le côté je crois. Bon, passons. Allons voir un autre parlementaire, Richard Ferrand, député PS du Finistère. Est-ce que lui, il a déjà proféré des remarques sexistes? Si j'en ai fait, je ne m'en souviens pas, mais nul n'est à l'abri de ma adresse, sans doute. Ah, vous auriez pu en faire, alors? Que je ne prétends pas à la perfection. Hein. Qu'est-ce que vous auriez pu dire? Non, mais ne me demandez pas d'imaginer ce que j'aurais pu dire. Et est-ce que vous avez vous-même été victime de harcèlement de la part de femmes journalistes? À ce jour, non, jamais. Même pas une petite main au cul de la part de Claire Chazal ou autre? Je n'ai jamais eu l'honneur de croiser ma On sent la petite pointe de regret. Bon, de toute façon, il a plus de 23 ans, hein, donc il a aucune chance avec Claire Chazal, soyons réalistes. Allons voir désormais Éric Ciotti, on le connaît bien lui, hein, député UMP des Alpes-Maritimes. J'ai jamais perçu dans la relation qu'on a avec les journalistes, et pour moi, question n'est pas de savoir si c'est un journaliste féminine ou un journaliste masculin, il y a une relation avec la presse. Attendez, vous voulez dire que vous vous êtes jamais fait draguer, c'est ça que vous voulez dire? J'ai jamais... on peut dire ça. Oh, pauvre Eric, c'est normal qu'ils ne comprennent pas de quoi parlent les femmes qui dénoncent ces pratiques, c'est normal. C'est comme si vous demandez à Gilbert Montagnier ce qu'il pense de la couleur du papier peint, hein, ou à Robert Ménard son avis sur un discours de Martin Luther King, hein, c'est normal qu'il ne fiche pas. Continuons de faire un point sur la relation intervieweur-interviewé avec monsieur Charles de la Verpillière, député UMP. Ah, forcément, UMP, avec un nom comme ça, on l'imagine mal au Parti des Travailleurs. Député UMP, donc, de l'Eure. Il y a une tradition française de la gauloiserie, je dirais, et que... Il faut maintenant y mettre un terme, même si bon, je crois qu'il n'y a pas d'intention méchante. Et alors moi, est-ce que vous pouvez me donner un conseil si je veux draguer une femme politique ? Ah mais vous avez votre physique pour vous, ça doit être facile. Attention, vous me draguez là. Non, il n'y a pas de problème pour ça. Ah bah si, il y a problème quand même, dis donc. Charles de la Verpillière voulait me pécho, figurez-vous. Enfin me pécho. Il voulait m'inviter ce week-end à un thé dansant où nous aurions partagé moult réjouissances. Mais non, sans façon, Charles, puis nous n'avons pas... Enfant, nous n'avons pas les mêmes valeurs, Charles. Les valeurs, c'est d'ailleurs le mot préféré d'un certain Bruno Le Maire, ex-futur président de l'UMP. Moi, je combats évidemment le sexisme. Je pense qu'il n'a sa place ni dans la vie politique, ni dans la vie en société en général. Est-ce que vous-même, vous avez déjà fait des remarques sexistes ? C'est-à-dire, on ne sait jamais très bien si les remarques qu'on fait sont sexistes ou pas. C'est bien le problème. Ah, vous avez dit, oui, vous avez souhaité un président de l'UMP qui a des couilles. C'est bien vous qui avez dit ça. Oui, ça, je ne sais pas si c'était machiste ou sexiste. Après, on peut discuter à l'infini sur la caractérisation des propos. Oui, alors à part si on parle de Conchitaverse, je crois qu'il n'y a pas besoin de disserter longtemps sur la caractérisation d'un mec qui souhaite un président avec des testicules. Donc passons. Mais alors pour une chronique qui parle de machisme, on n'a pas encore entendu la parole d'une femme. Ah oui. Et pour cause, à l'Assemblée, on croise quand même davantage de têtes de nœuds en costume trois pièces que de femmes. Mais j'en ai trouvé une. Colette Langlade, députée PS de la Dordogne. Si on a été élu par la population, par les électeurs, c'est qu'on est aussi capable d'assumer les mêmes missions que les hommes. Alors à l'inverse, moi si je vous drague, vous le prenez mal ou pas ? Pas du tout. Pas du tout, non. Si je vous dis, je vous fais de la promo sur France Inter en échange d'un resto ce soir. Ce soir, je ne suis pas disponible, monsieur. Mais oui, courant juin, pourquoi pas. Et bim ! Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Qui c'est qui va pécho la Colette, courant juin ? Je l'ai troublée, la Colette. Et vous pourrez faire toutes les tribunes que vous voulez sur la collusion politico-médiatique. Je vais vous dire, Lucette. Colette, pardon, si je me trompe de prénom, je ne suis pas prêt pour le rendez-vous. Colette, elle s'en bat les ovaires. Merci Guillaume Meurice. On est ensemble jusqu'à 18h et on fait des bulles avec l'actualité, vous l'aurez compris. Avec Mathieu Sapin, on va aborder le deuxième sujet avec tout le monde autour de la table. Le vendredi, c'est le jour du poisson. Et le mercredi, c'est le jour du canard, oui, qui s'est spécialisé dans le suivi des dirigeants de l'audiovisuel public. Alors aujourd'hui, il y en a pour tout le monde. Il y a Mathieu Gallet dedans. Il y a Delphine Ernotte aussi, la nouvelle patronne de France Télé, qui vient tout droit de France Télécom. Donc ça risque d'être compliqué pour joindre la nouvelle direction alors. Allô ? Merci de patienter. Nous traitons votre demande. Allô ? Merci de patienter. Et oui, ça va être difficile. Elle vient de France Télécom. Donc. Voilà, on apprend que la nouvelle patronne de France Télé, dans le canard, on apprend ça, qu'elle a tout plein de copains au PS. Bah, donc là, on est bien dans une présidence normale, tout va bien, tout est revenu dans l'ordre, non ? C'est comme ça que ça se passe normalement. Vous n'êtes pas accusé directement. Non, j'ai regardé la liste. Moi, il y en a un que j'ai croisé, David Kessler. Effectivement, il était conseiller de François Hollande à la culture. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages que vous avez croisés et qui sont croqués dans le château qu'on risque de retrouver disséminés à certains hauts postes. Moi, je consolide mes contacts. Pour la raison. Mais oui, parce que vous allez pouvoir, par exemple, faire bientôt les coulisses de France Télévisions, voilà. Ou de Radio France, ou de la maison de la radio. C'est comme ça que ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres lieux de pouvoir comme ça où, bah, oui, par exemple, maintenant on sait que dans les autres instances de l'audiovisuel public, il y a des bureaux fascinants. C'est aussi, avec des c'est boiseries, aussi connexe. Ouais. Il y a aussi ça attire une curiosité aussi. Bah, c'est l'envie de pousser des portes, ouais. Mais moi, c'est plus la Maison Blanche, l'étape d'après, quand même. Ah, c'est vrai? Delphine Ernotte est une femme, donc, oui. Et il y a une parité qui est assez respectée au sein du staff de l'Élysée. Quand on tourne vos pages, il y a pas mal de dames, quand même, à peu près. Faudrait autant prendre la liste d'hommes. Du début. Mais comme les gens ont beaucoup tourné, ouais, non, il y a beaucoup de femmes. Mais ça dépend, parce que quand on monte, quand on se rapproche du bureau présidentiel, il y en a peut-être moins, quand même. Il y a notamment à un moment donné, il y a une réunion avec les proches collaborateurs, comme on dit. Et il y a quand même plus d'hommes que de femmes. Oui. Donc plus on monte vers les cimes, et ouais. Moins c'est féminin. Oui, rien de nouveau sous le soleil finalement. Non, elles ont beaucoup tourné dans le bureau. Alors, pour en revenir à Delphine Ernotte et au Canard Enchaîné, il donne quelques extraits de son dossier de candidature devant le CSA. Donc on apprend que son dossier s'appelle Audace 2020. Wow. C'est un petit peu l'Odyssée. C'est un film, ça, non ? Ouais, on dirait, oui, mais c'est vraiment ça. De qui défend, attention, qui défend une certaine idée du voir ensemble et entend, je cite, faire émerger une chaîne de compréhension pour dépasser l'émotion. Alors ça, on se dit, c'est du jargon d'Énard, c'est du jargon élyséen. Est-ce que vous avez dû faire, Élysée deuxième langue pour pouvoir comprendre tout ce qui se disait pour votre ce qui est amusant, on voit, j'ai vu comme François Hollande là qui rédige un premier jet de discours et puis après c'est rédigé, vous m'avez compris. Le choix des mots, c'est très très, c'est une langue. Ah, on a senti que dans le choix des mots il y a quelque chose. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. On sent que c'est travaillé. Non, mais cela dit, il y a quelqu'un à un moment qui explique les éléments de langage. Il explique que ça a sa valeur. Oui. Parce qu'en fait, Il peut y avoir des incidents diplomatiques sur un mot. Exactement. Ah, oui, qu'en fait, il peut y avoir toute une dégringolade du système uniquement à cause d'un mot. Ouais. C'est quand même. Quand Manuel Valls dit apartheid, ça fait énormément parler. Ouais, effectivement. Et justement, Clara Dupont-Mono, votre chronique est consacrée à l'ouvrage de notre invité Mathieu Sapin. Eh bien oui, c'est notre actualité. Donc votre ouvrage, je le rappelle, qui s'appelle Le Château, une année dans les coulisses de l'Élysée, de Mathieu Sapin. Donc c'est vous. Et oui. Cet album. Pour une fois que vous ne vous plantez pas dans le nom de l'invité, allez-y. Et cet album, pour moi, il soulève à nouveau une question, mais qui court quand même depuis plusieurs années au sein des petits milieux culturels. Et cette question, c'est, et si les meilleurs journalistes aujourd'hui, c'étaient les auteurs de bandes dessinées ? Quand même, parce que plus long qu'un reportage et plus illustré qu'un livre, la BD, elle vous permet à la fois d'être réactif et en même temps de prendre le temps de traverser les apparences. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est un peu la condition de base de l'exercice journalistique. Et vous poussez même le mix encore plus loin, parce que vous faites une espèce de cocktail entre l'entomologiste et le Candide de Voltaire. C'est-à-dire qu'on a les infos que vous donnez et l'étonnement que vous avez sur ces infos. Alors vous baladez, vous vous êtes trimballé un peu partout, dans les voyages officiels, limite si vous n'êtes pas sous les bureaux, vous êtes un peu tout le temps. Mais c'est vrai, vous êtes la petite... D'accord Charline. Vous êtes... la petite souris, voilà, elle est partout, dans la cave, dans les cuisines, chez la fleuriste. Et la petite souris posée sur l'épaule des puissants. Donc il y a une espèce de mix entre Albert Londres et Jiminy Cricket un peu. Vous voyez, c'est un peu ce mix-là. Okay. Et alors, du coup, vous nous révélez les coulisses. Alors, il y a les coulisses découvertes. Donc par exemple, on découvre les plans de l'Élysée, sous-sol compris. Ça, moi, ce que j'avais jamais vu. Mm-hmm. On apprend aussi très utile pour un djihadiste. Qu'à la Maison Blanche, ça va être chaud. On apprend que Nicolas Sarkozy a fait supprimer les fromages lors des menus officiels pour aller plus vite, parce que comme ça on perd moins de temps. Il faut 6 mois pour organiser la venue de la reine d'Angleterre, et on apprend aussi qu'en cas de visite officielle de la Chine, il ne faut surtout pas de fleurs blanches, puisque les Chinois considèrent que c'est la fleur du deuil. Donc il y a tout un protocole qui est extrêmement strict. Et ce qui est très intéressant, c'est que la rigueur millimétrée du protocole s'oppose en fait au chaos de l'organisation politique. C'est-à-dire qu'à l'Élysée, on peut mesurer la distance qu'il y a entre 2 bougeoirs sur une table officielle, et la distance, vous nous la prenez, c'est de 3 cm maximum, il faut absolument ça. Mais à côté de ça, côté décision politique, c'est totalement l'anarchie. Il n'y a pas de concertation. Mais oui, c'est très intéressant. Il n'y a pas de concertation entre les services, le monde décisionnaire est rempli de chausse-trappe, on ne sait jamais ce que pensent les uns les autres, et puis surtout, les gens valsent comme ça. Votre interlocuteur, Christian Gravel, vous apprenez qu'il n'est plus là alors que vous venez de lui faire un message il y a 15 secondes et vous apprenez subitement qu'il a été éjecté. Sur Aquilino Morel, vous vous étonnez, je cite, que l'équipe parle de lui comme s'il était mort et enterré. Ce sont vos mots. Donc l'Élysée, c'est un milieu en fait où la rigueur protocolaire s'oppose à l'arbitraire politique. Bon, la solution si on mettait le chef du protocole, le chef du gouvernement, tout ça. En tout cas, ça manquerait pas de rigueur, effectivement, parce qu'en plus, eux, ils sont au taquet tout le temps. Mais cette opposition, elle est assez intéressante. Alors après, vous faites ce que j'appelle, moi, les coulisses parano. On découvre que l'Élysée a un bunker secret au sous-sol, donc il s'appelle Jupiter. Vous n'avez pas le droit d'y entrer. Oui. Alors, ni d'en parler. Bon, c'est clair, c'est fait. Voilà. C'est fait. Mais on imagine quand même le président de la République qui se met tout seul dans son bunker qui ressemble à une cabine de WC, là, public, vous savez, en cas de guerre thermonucléaire, il serait tout seul. C'est l'idée qu'il serait protégé, mais enfin, c'est un peu étrange. On apprend que depuis les enregistrements sauvages de Patrick... On se fait l'image, du coup, dans mais sa cabine. Mais oui, complètement. On apprend que depuis les enregistrements sauvages de Patrick Buisson, il faut... En fait, on monte une table avant les réunions, les conseillers et les ministres doivent poser leur portable sur la table, qu'on démonte côté, après. Dans la salle à côté. Voilà, et la table est démontée ensuite. Ouais. Il serait juste un peu plus simple de laisser une table en permanence, mais on la monte et on la démonte. Et on apprend aussi ce que c'est que le Kevlar, qui est un bouclier qui est caché sous forme de mallette que déploient les gardes du corps devant le président en cas d'attaque donc du président. Et puis après, il y a les coulisses pas très glorieuses, où là vous révélez les travers des gens. Je pense à ce garde du corps qui a planqué le portrait de Nicolas Sarkozy au moment où il a été remplacé par François Hollande, un peu en loose day, mais il a gardé le portrait, il l'a glissé entre deux meubles, histoire qu'on le voit pas. Ça peut servir, ceci dit. Ça peut servir, exactement. Je vais me faire massacrer. On lit les commentaires vipérins des journalistes qui sont en salle de presse, et alors en parlant des journalistes, et on y revient quand même, on les voit sous un jour catastrophique. C'est vrai? Mais ils sont sympas. Je veux bien le croire, mais les journalistes qui suivent l'Élysée, vous les montrez, et c'est sans doute vrai, je ne sais pas, mais vous les montrez comme une meute bourdonnante, un essaim qui est sans arrêt collé au basque de l'équipe présidentielle, dans l'attente d'une petite phrase, de quelques miettes. Alors ils font des hypothèses, ils font des commentaires, ils attendent fébrilement la sortie du Conseil des ministres, alors qu'il ne se passe rien. Les ministres sortent et regagnent leur voiture. Ça, il ne se passe rien. Quand ils sortent. Alors on les voit qui crient « Monsieur Fabius, Madame Taubira, Madame Royale !» Et en fait, ils vont vers leur voiture, il ne se passe absolument rien. Et d'ailleurs, à un moment, vous demandez à un photographe mais pourquoi tu es là? Moi, c'est la question sans coup de sol. Oui, pourquoi es-tu là? Il pose les bonnes questions, Mathieu Sapin. Exactement. Et alors, ils s'agglutinent dans les avions, dans les hôtels, dans les salles de presse. Et quand on veut les chasser, vous les comparez, je vous cite, à des troupes de légionnaires qu'on aurait évacuées d'un défilé Victoria's Secret. Donc, vous montrez aussi que parfois, ils peuvent être dangereux. Et lors d'un déplacement en Arménie, ça vous le dessinez, les journalistes font une blague. Ils font croire à leur rédaction que François Hollande a déclaré « J'ai parlé avec Charles Aznavour de son ISF et je lui ai demandé de revenir payer ses impôts en France. » Moyennant quoi, les rédactions en France prennent cette info au sérieux, commencent à la propager. Juste avant. Et les journalistes affolés téléphonent à leur BFM TV et compagnie en disant « Ne diffuse pas cette information, c'était une blague. » Comme quoi, donc il y a un côté « Qu'est-ce qu'on se marre avec l'info quand même ?» Mais bon, il y a un côté un peu... En tout cas, votre BD, elle fait honneur au journalisme. C'est jamais voyeur, c'est jamais survolé et c'est jamais complaisant. Donc un grand merci. Je redonne les références. Le Château, une année dans les coulisses de l'Élysée, c'est publié chez Dargaud. Et vous pouvez feuilleter les premières pages de la bande dessinée sur la page de notre site internet franceinter.fr. Merci Clara Dupont-Mono. Est-ce que vous avez pensé à faire un coffret avec merci pour ce moment pour avoir deux facettes de l'Élysée? Mais alors, vous ne pensez pas si bien dire, parce que si on lit merci pour ce moment, comme je l'ai fait, il y a effectivement des scènes miroirs. On a l'avant, l'après. Je pense notamment à la journée de la fête de Noël. Vous n'en avez pas parlé, mais vous auriez pu, ou ce qui est assez lunaire avec un concert de Matt Pokora à l'Élysée. Et donc, si vous lisez merci pour ce moment, vous aurez le contrepoint. Mais cela dit, pour avoir lu le bouquin de Madame Trierweiler, j'étais quand même un peu gêné. Mais elle n'a pas voulu vous parler? Non. Ah oui, parce que c'est arrivé, vous avez vu la une de Closer par-dessus l'épaule d'un voisin. Non, je voulais lui parler avant. Et vous êtes dit la merde, c'est foutu. Je sais que c'était trop tard. Et rappelons aussi que dans ce qui est BD de reportage, dans l'excellente revue 21, il y a souvent des reportages BD aussi. Tout à fait, l'excellente revue 21 qui est éditée par Les Arènes, qui est l'éditeur de Valérie. Exactement. Oui, c'est vrai en plus. Il faut un peu de tout, il y a à boire et à manger. Troisième sujet avec nous sur France Inter, le réseau social, j'ai du mal à le dire toujours, c'est LinkedIn, c'est ça? LinkedIn. Réseau social vient d'inventer un système infaillible pour traquer les faux curriculum vitae, quoique ensuite, c'est vrai, à un entretien, c'est toujours mieux de vérifier par soi-même. Vous avez des références? Ouais, des références, j'en ai. On vous écoute. Je sais pas, Cool on the Gang. Person on Fire, c'est une bonne référence, ça, non? Je connais pas. Asseyez-vous. Non, si vous connaissez pas, c'est que vous y connaissez rien en musique. Écoutez, j'ai pas l'impression d'être totalement inculte dans le domaine musical, même si je connais pas votre soul, je sais pas quoi, là. Non, Cool on the Gang. Un extrait d'Intouchable. Alors voilà, le réseau social qui vient d'acquérir et de déposer un brevet pour une technologie de vérification des CV qui est appelé, attention, Interactive Fact-Checking System. Voilà, c'est comme un correcteur d'orthographe, mais pour les CV. On est à l'époque de la transparence, hein, et les yeux dans les yeux, tout ça, hein, évidemment. Et, alors, je me dis, mais attendez, parce qu'en France, il y a quand même cette fameuse histoire du CV anonyme, mais comment est-ce qu'on fait pour vérifier, faire du fact-checking de CV, quand en même temps, on veut le CV anonyme? Alors, je ne sais pas si l'originalité d'un dessinateur de BD peut nous aider à trouver la réponse. Oui, j'avais pas réfléchi à ça, c'est compliqué, mais ouais, il faudrait voir ça avec le speed dating en plus. Ça doit faire un oui, espèce de... Oui, ça doit faire quelque chose. c'est vrai. Enfin, cela dit, on apprend quand même que les entreprises, deux employeurs sur trois ne vérifient pas le contenu des CV. Finalement, est-ce que le savoir-faire, c'est pas tant mieux? Comme ça, c'est le savoir-faire qui compte après. Ah oui, mais si vous avez signé, après c'est trop tard. Oui, mais attendez, on a tous écrit anglais, deux points, parler, lu, compris, couramment. Alex, il a mis humoriste pour rentrer à France Inter. aujourd'hui. Surtout que François Hollande, sur son CV, a mis qu'il parlait anglais couramment et on a entendu ce que ça donnait la dernière fois. Mais on l'a tous fait. Ou alors, aime les voyages, passion, deux points, hobby, les voyages. Le cinéma, la musique. Quand on est dessinateur, ça vous est déjà arrivé d'envoyer des CV ou bien vous n'avez pas eu besoin d'y recourir? Mais quand on est dessinateur, il y a une attente. Voilà, on doit. Les dessins qui doivent parler, mais par contre, moi quand j'ai fait une école pour apprendre à dessiner, et on m'a dit au moment du diplôme, vous devriez arrêter le dessin après les 5 ans. Si, on vous donne le diplôme si vous arrêtez le dessin, parce que je me suis dit, j'ai fait un calcul, je me suis dit, si j'ai pas le diplôme, ça va être plus compliqué, donc je vais prendre le diplôme, mais je vais quand même faire. Enfin, bref, donc, voilà, donc comme quoi. Je vois. Et vous n'avez jamais eu envie de faire une BD dans les coulisses du pouvoir? Parce que le vrai pouvoir aujourd'hui, il est peut-être dans les entreprises. Vous n'avez jamais eu envie de voir comment ça se passait, les conseils d'administration? Je sais pas. Chez L'Oréal ou Sanofi. Chez Total. Non, sérieusement, il y a Peugeot qui m'avait contacté pour faire faire une BD sur comment ça s'appelait, à Aulnay-sous-Bois. Et non, c'est pas une blague. Et je suis allé donc une journée au moment des grèves là, très très violentes. Et j'ai vu que ça allait être très compliqué, mais ils étaient quand même très partants. Et tout en m'expliquant qu'ils voulaient faire une reconversion modèle. Et le truc était parti. Et au bout de 2 semaines, on m'a appelé pour me dire que le directeur s'était fait tabasser et séquestrer. Donc finalement, ils arrêtaient la BD. Ils arrêtaient le projet. Donc voilà, j'ai pas pu aller plus loin que ça. Mais votre meilleur CV, finalement, c'est Campagne présidentielle, l'album qui est paru en 2012. Vous avez suivi François Hollande. Et là, il y avait la confiance de l'équipe qui était plus ou moins gagnée. C'est un peu pareil pour les journalistes qui suivent Hollande. C'était ça le but, de suivre tout le temps François Hollande. C'est de gagner la confiance de l'entourage pour pouvoir rentrer dans le Saint-Dessin. C'est un peu ça. Ça m'a évidemment ouvert les portes et rendu service. Mais ça m'a ouvert d'autres portes aussi, puisqu'on m'a même proposé de faire des documentaires, dont un avec Gérard Depardieu, comme quoi... Alors là, vraiment, ça ouvre toutes les portes. C'est votre meilleur CV. C'est les extrêmes. Même avec des Russes, quoi, vraiment. Voilà. C'est vraiment international. Oui, c'est de tout. Alex Vizorek, il est 17h55 à Tulle et sur France Inter, avec Mathieu Sapin. Écoutez, cette semaine, évidemment, nous sommes obligés un petit peu de feuilletonner, parce que nous, on invente un peu, parce qu'on n'y était pas. La famille Le Pen, qui nous offre un magnifique spectacle. Je propose donc le 3e épisode de notre série. Dans le dernier épisode du Front de l'amour, Jean-Marie avait repoussé Marine, qui a pris la direction de l'entreprise familiale de ramassage de déchets qu'il avait créée. Marine est fort proche de Florian, ce qui pourrait finir par énerver Louis. Mais aujourd'hui, Jean-Marie se reprend et veut relancer une nouvelle entreprise pour concurrencer sa fille. Marion ! Marion ! Où es-tu ? Ici, papy ! Je suis ici, avec mais toi. Tu chuintes, Marion. Qu'est-ce qui se passe? Mets-toi plutôt de l'autre côté. Je vois mal de cet œil. Papy, il faut que tu te reprennes. Je vais me relancer, Marion, avec toi. Mais il me faut un bras droit. Bon, papy, abaisse déjà le tien de bras droit. Et puis, laisse-moi te présenter un ami. Bonjour, je suis Robert de Béziers. Oh, dites donc, Robert, vous avez une voix un peu féminine. Rassurez-moi, vous n'êtes pas comme Florian. Oh, mais soyez tranquille. Moi non plus, je n'aime pas les prétentieux. Et papy, Robert a d'excellentes idées pour l'entreprise de ramassage. Oui, je viens d'inventer un brevet pour trier les ordures. Oh, j'aime les gens créatifs comme vous. En fait, on repère les bons déchets, qu'on appelle les déchets blancs, et les autres couleurs, on les jette à la mer. Oh mon sang, mais c'est génial! J'adore. Oh, vous êtes beau, Robert, quand vous dites des choses pareilles. Marion! Calme-toi, Marion. J'ai une autre idée pour toi. Ah? Te marier à Florian pour contrer Marine. Je suis machiavélique. Jean-Marie va-t-il aboutir dans son plan? Marine va-t-elle se laisser faire? Et que pense Steve, qui gère une succursale à Hénin-Beaumont? Vous le saurez dans le prochain épisode du Front de l'amour. Chic, ça veut dire qu'il y aura un autre épisode. Ça se peut, ça se peut. Merci Mathieu Sapin d'avoir passé cette heure avec nous. C'était un plaisir d'aller avec vous dans les cuisines du château. Une année dans les coulisses de l'Élysée, paru chez Dargo, qui sort demain. Demain. Oui. Eh ouais, sorti demain, jeudi 7 mai, pour les 3 ans hein, de François Hollande à l'Élysée. Et puis je rappelle qu'on peut feuilleter les premières pages de la BD sur la page de notre site internet franceinter.fr. C'était Mathieu Sapin, il est 17h58 à Tulle. Et le mot de la fin pour souhaiter un joyeux anniversaire à l'Élysée. Monsieur, vous êtes dans une mauvaise passe, mais le bout du tunnel n'est peut-être pas si loin.